Y'a plus de fight, mais on a du rhum et des light. Mon AK danse la salsa pendant que le feu grésille là-bas. T'es venu pour piller trop tard, frérot. On chill au milieu des barils de go. Casque sur les oreilles, lutte au sol. Les viewers nous hype, on rigole. Ce soir c'est chill sur le toit du hangar. DJ Raider Skill t'envoie du bizarre. Une tour elle sert de boule disco pendant que je twerk avec un sac à dos. J'ai loté tes slips dans le frigo. Maintenant je les vends au marché du dodo. Rast, c'est pas qu'un raid sanglant, c'est un apéro avec grenade chantant. Si ta base est foutue, t'as tryhardé tous les